Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est un compte de l'ordre de l'exo. In R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis Thierry Gallet et je vous accompagne jusqu'à 22h02, c'est la saga des Fab Four numéro 375, saga consacrée à Monsieur Ringo Starr et son album Ringorama sorti en 2003. On écoutera Eye to Eye, on l'a écouté la semaine dernière, je sais bien, mais c'est ça qui m'a donné envie de consacrer l'album de la semaine à ce très bon album de 2003. De Ringo Starr, et surtout aussi le fait que le 6 juin je vais le voir pour la première fois en concert à Paris, et que ça me fait drôlement plaisir de pouvoir me dire j'en aurais vu au moins la moitié. Il m'aura manqué la seconde moitié et je ne pourrai pas la voir, mais c'est pas grave, j'en aurais vu au moins la moitié, ce sera bien. J'aurais attendu, dites donc, hein, depuis 1970, c'est en 2018 que je vais voir enfin Ringo Starr. Bon, donc Eye to Eye, on a dit, il y aura également Never Without You, la chanson hommage à George Harrison. Il y aura Instant Amnesia. Il y aura I Think Therefore I Rock and Roll. Et je vous dis que ça va rock and roller, justement. Il y aura Tripping in My Own Tears. Elizabeth Rains en fin d'émission. Et puis il y aura du George Harrison, du John Lennon, du McCartney, bien entendu, et les Beatles. Pour George Harrison, ce sera Heidi Glove sur All Things Must Pass en 1970. Pour John Lennon, Mind Games sur l'album éponyme Mind Games, sorti en 1973. En 1978, Paul McCartney chanta Café on the Left Bank. Moi, je l'ai chanté en 2001 à mon mariage. Et voilà, donc on l'écoutera. Pas ma version, heureusement, mais la version de Paul McCartney sur l'album London Town. Pour les Beatles, ce sera I'm Looking Through You, sorti de l'album Rubber Soul en 1965. Et puis, deux surprises, une chanson en français, je ne vous dis pas pourquoi, et puis une grosse surprise aussi qui va durer un petit moment, qui va nous occuper une partie de cette émission. Je vous convie à nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Si vous le voulez, vous allez jeter un œil pour McCartney sur macaclub.com, c'est un site fantastique sur Paul McCartney. Et pour le Twitter, vous pouvez avec le hashtag SagaFabFor nous parler. Et puis voilà. Here we go. Here we go. Voici Eye to Eye. On monte le son. C'est Ringo Starr sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Yeah. So long ago. Well, nothing's changed, and if you don't believe me, look out your window. Spinning and our lives go faster. We'll be right back. intéressant, dans le bouquin I May Mind de George Harrison sorti en 1980, il ne parle pas de cette chanson-là. Elle est inscrite, on a les paroles de la chanson, on voit le manuscrit sur lequel il a écrit les paroles, mais il n'en dit rien. Alors tant pis, je ne peux rien vous en dire. En tout cas, il creusait l'amour, donc il cherchait l'amour et il l'a obtenu quand même. Il a eu de la chance, lui. C'était George Harrison en 1970 sur l'album All Things Must Pass sur RIG. Celle-ci au début s'appelait Make Love, Not War. Et puis finalement, c'est devenu tout simplement Mind Games. Et c'est John Lennon en 1973. J'aime bien Stella sur Facebook qui met « J'aime la mélodie de Mind Games » et puis qui finalement ajoute « Et les paroles sont bien aussi ». Bref, une super chanson. Ben voilà, c'est résumé. j'aime cette chanson. Je l'ai chantée pratiquement en entier, mais le micro est resté fermé. J'adore cette chanson. Café on the Left Bank, extrait de l'album London Town, sorti en 1978 par Paul McCartney. Vous êtes bien sur RIG 90.7. C'est également sur www.rigfm.fr pour ceux qui écoutent sur la région de Bordeaux, mais également en France, en Europe, dans le monde, voire dans l'univers, on ne sait jamais. Donc merci d'être là tous les mercredis quasiment, entre 20h et 22h02 pour cette grande messe des Beatles. C'est tous les mercredis et c'est très bien comme ça, ça fait 11 ou 12 ans sur RIG, mais cette émission existe depuis 34 ans. Donc parlez-en autour de vous, plus vous serez nombreux à écouter RIG et la saga des Fab Four, plus ça me rapportera rien, mais je serai drôlement content de vous savoir ici avec nous pendant ce mercredi entre 20h et 22h. Nous avons écouté Ringo Starr, George Harrison, John Lennon et Paul McCartney. Il est temps d'écouter les Beatles. Et pour écouter les Beatles, il faut avant tout parler de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien, allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Nous sommes en 1965 sur l'album Rubber Soul. L'installation de Jan Eicher à Bristol continuait de préoccuper Paul. Elle n'était plus à sa disposition, même s'il continuait de vivre dans la maison des Eicher sur Wimpole Street. Pour un jeune homme issu des milieux ouvriers de Liverpool, il était difficile d'accepter que sa petite amie puisse placer sa carrière avant leur liaison. On est dans les années 60, hein, rappelez-vous. Il reconnut plus tard devant Hunter Davis, le biographe officiel, qu'il n'avait jamais connu ou désiré d'autre vie que celle de célibataire, libre de toute contrainte et de tout souci. Il avait toujours eu beaucoup de filles autour de lui, même lorsqu'il avait une petite amie attitrée. « Je savais que j'étais égoïste », admit-il. Cela a occasionné quelques disputes. Et puis Jeanne est partie et je lui ai dit « Ok, va-t'en, j'en trouverai une autre ». Mais c'était intolérable de vivre sans elle. C'est à cette époque que j'ai écrit « I'm looking through you ». C'était la chanson la plus amère qu'il ait jamais écrite. Plutôt que de s'interroger sur sa propre attitude, ce qu'il fit plus tard, Paul accuse sa compagne d'avoir changé et évoque la menace à peine déguisée du retrait de son affection. L'amour a coutume, prévient-il, de disparaître sans crier gare. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. Et nous retrouvons l'album de la semaine avec... cet hommage à son pote George Harrison, Never Without You, Ringo Starr sur RIG. We were young, it was fun, and we couldn't lose. Times were right, overnight, we were headline news. Crazy days and reckless nights, limousines and bright spotlights. We were brothers through it all. And your song without you, and this world won't forget about you. Every part of you was in your song. Now we will carry on, never without you. You. Here comes the sun is about you. Here today, not alone, with my memories. Life is strange, how things change, it's reality. Played a beautiful melody that keeps on haunting me. I can always feel you by my side, and your song will play on without you. And this world won't forget about you. Without you. Ringorama est le 13e album studio de Ringo Starr, sorti en 2003. Et comme toujours, l'ex-batteur des Beatles s'entoure de ses amis et non des moindres. On trouve sur cet album Eric Clapton, David Gilmour, Willie Nelson, ainsi que Timothy B. Schmidt du groupe The Eagles. Cet album contient Never Without You, une chanson hommage à son ami George Harrison, disparu le 29 novembre 2001. Sur cet album, Ringo fait plus que de chanter et jouer de la batterie, ce qu'il fait habituellement. En effet, il joue aussi de la guitare acoustique et électrique, ainsi que de la guitare slide, en plus des claviers. Il s'agit du premier album de son contrat avec Koch Records. À noter qu'il existe une chanson cachée à la suite du dernier titre de l'album, English Garden, après environ 18 secondes de silence. Il s'agit d'une pièce intitulée I Really Love Her, excellent country rock d'une durée de 55 secondes seulement, ce qui porte le nombre de chansons à 17. A préciser également que les trois dernières pièces, Blind, OK Ray et I'm Home, ne figurent que dans l'édition bonus limitée en DVD. Une autre édition limitée est aussi disponible avec un DVD sur lequel Ringo nous invite à voir le montage de l'album avec tous ses invités, de Timothy B. Schmidt à Willie Nelson, de David Gilmour à Eric Clapton, etc. Et pour la dernière chanson, celle dont j'ai parlé, I Really Love Her, il joue, Ringo Starr, de tous les instruments. C'est assez rare pour qu'on puisse le mentionner. C'est un excellent album qu'on vous conseille ici, à la saga des Fab Four. On all across the tracks, and she's been a man of wailing sad.

sommes en 1974 sur l'album Walls and Bridges. C'est une chanson hypnotique qui flotte de manière enchanteresse dans l'espace qui sépare le sommeil paisible de l'éveil angoissé. Yesterday était venu à Paul dans son sommeil, ou du moins sa mélodie sur laquelle il a chanté les mots scrambled eggs, œufs brouillés, jusqu'à ce qu'il trouve mieux, et heureusement. Et certaines des chansons de John avaient la même origine. Il n'eut pas à chercher loin la mélodie, il se contenta de recycler sa partie de guitare sur la version de Nilsson de Many Rivers to Cross. Il s'éveilla un matin et dit à May Pang, parce qu'à l'époque il était avec elle et non plus avec une certaine Yoko, qu'il avait rêvé de deux femmes appelant son nom et avait également entendu l'étrange refrain « Ah, bah, wa, ka, wa, poussé, poussé ». Eh oui, quand on rêve, et peut-être quand on abuse de quelques substances, on ne sait jamais. Le sens de ces mots restait obscur, mais les deux esprits féminins ne pouvaient être que May et Yoko. Lorsque John enregistra la chanson, qui conservera longtemps son titre provisoire de « So Long », les premiers mots des paroles, May Pang fut invité à chuchoter « John » au moment important. Il y est également murmuré « Hare Krishna George » pour saluer son vieux camarade, évidemment George, avec lequel il venait d'avoir l'une de ses disputes périodiques. La guitare céleste de Jesse Ed Davis est d'ailleurs certainement un hommage conscient au style de George Harrison. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson. Et puisqu'on vient de parler de George Harrison, je vous propose de le retrouver dans une chanson que je ne passe jamais, parce que c'est un album dans lequel la voix n'est pas terrible, dans lequel les chansons ne sont pas forcément extraordinaires, sont... on va dire, son plus mauvais album en solo. C'est l'album de 1974, Dark Horse. Attention, comme à chaque fois que je dis un plus mauvais album, il y en a pour John Lennon, il y en a pour George Harrison, il y en a pour Ringo, et il y en aurait presque quelques chansons par-ci par-là pour Paul McCartney. Bref, quand je dis que l'album est mauvais, il reste quand même des perles dans l'album, toujours. C'est ça, c'est la magie des Beatles. Voici une chanson donc que je ne passe quasiment jamais, mais que je vous propose, et vous allez me dire si vous l'appréciez. Ça s'appelle Simply Shady. C'est larmoyant, mais c'est du George Harrison, et c'est quand même pas mal. C'est sur RG. 90.7, dans la saga des Fab Four. Through your front door, to life. On va revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Ringo-Rama, sorti en 2003. Et juste après, je vous ai promis une surprise. C'est une exclusivité que aucune radio ne peut se permettre. Mais nous, à la saga des Fab Four, nous, sur RIG 90.7, on se le permettra. Juste après cette chanson, Instant Amnesia, sur RIG. One, two... Amnesia makes you forget your worries, your troubles, forgives you your debt. Instant amnesia, it's already gone. If you think you remember, tomorrow you're wrong. Amnesia, it's just like a kiss. You can't close your eyes, it's too easy to miss. Instant amnesia, you can't take no pill. There's no medicine, so it must be God's will. morceau complètement délirant quand même de Ringo Starr en 2003 sur l'album Ringo Rama. Je vous ai promis une chose que l'on fait rarement en radio et que nous, on peut se permettre de le faire. Allez, voici l'intégralité de la face B d'Abbey Road, juste pour vous, parce que c'est dans la saga, parce que je vous aime et parce que j'avais envie de vous la donner en entier. Montez le son, ça va durer un bon paquet de minutes et c'est pour vous, c'est dans la saga. Érigé pour vous la face B intégrale d'Abbey Road. Because patience, you break down. I never give you my number, I only give you my situation. And in the middle of investigation, I break down.

je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était fabuleux. J'en ai la chair de poule, c'est sur RIG. Je vous ai offert, je le fais, je crois, presque une fois par an, et ça me fait extrêmement plaisir. La face B intégrale d'Abbey Road, avec un petit plantage de mon ordinateur. Je note à moi-même qu'il va falloir que je réenregistre la face B en entier, de façon à l'avoir de manière correcte sur l'ordinateur, parce qu'il est absolument intolérable que ça ait coupé au moment où c'était le plus fantastique, et que les Beatles nous aient quittés avec ça, parce que Abbey Road, il faut le savoir, mais évidemment vous qui écoutez la saga des Fab Four, vous le savez, Abbey Road est sorti en 69, Let It Be est sorti en 70, mais Let It Be a été enregistré avant Abbey Road, et c'est parce que Paul McCartney disait on peut pas se quitter sur un truc comme ça, qui a merdouillé complètement, il faut qu'on fasse un album, faut qu'on fasse quelque chose, faut pas qu'on se quitte comme ça. Et ils savaient quasiment tous que c'était Abbey Road la dernière fois qu'ils se voyaient, et je pense qu'ils ont vraiment mis le paquet, parce que ça, c'est fabuleux, c'est absolument fabuleux, ça a bientôt 50 ans et c'est absolument fabuleux. Voilà, j'en ai la chair de poule. Bref, nous allons continuer la saga avec Paperback Writer sur RIG. Paperback Writer, les Beatles, évidemment, vous le savez, et je vous propose l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est sorti en 2003, l'album s'appelle Ringo-Rama, et le titre, montez le son à nouveau, I Think Therefore I Rock and Roll. Be true. Que tu rock'n'roll Ringo Starr. Et rendez-vous le 6 juin à l'Olympia. J'espère que vous y serez aussi parce que on fera la fête et j'espère que ce sera très très très bien. Nous arrivons avec du retard, mais c'est pas grave aujourd'hui, à l'album la cover plutôt. La cover, c'est une chanson que John, Paul, Ringo ou George ont chanté, que ce soit en tant que Beatles ou une fois la carrière séparée. Et même si eux-mêmes faisaient une reprise de, par exemple, de Little Richard, de Chuck Berry, de qui vous voulez. Du moment que c'est que ces quatre-là l'ont chanté, on appelle ça la cover, si c'est quelqu'un de connu ou pas qui reprend, peut-être vous aussi, si jamais vous m'envoyez une chanson bien faite d'une reprise des Beatles ou des Fab Four en fait, eh bien ça passera dans la saga des Fab Four. Là, c'est un cas particulier, c'est une chanson française, c'est sorti en 1993. Et ces gars-là s'amusaient à reprendre un petit peu tout le monde, mais à la sauce française, avec des mots qui sonnent bien, le style est bien respecté, et je vous ai choisi Pas de papier water par les Bidochons, les quatre Bidochons dans le vent, c'est sorti en 1992, et c'est pour ça que j'ai passé Paperback Writer, car il s'agit de la même chanson, mais façon française, avec toute une histoire racontée qui n'a rien à voir avec l'original, mais qui est quand même drôlement bien faite. Voici la cover sur la RG. Faut que je sors de là, maintenant que ça s'en boucle. Je vais quand même pas utiliser mon Facebook. J'aurais très envie de quitter ces water, mais y'a pas de papier. Alors comment je vais faire? Pas de papier water. Pas de papier water. Sauf que c'est pas hygiénique et ça laisse des traces. En plus y'a quelqu'un qui veut prendre la place, mais j'ai bien envie de me rhabiller. C'est un vrai challenge pour le civier. Pas papier water. Pas papier water. Pas papier water. Pas de papier water. Pas de papier water. Je vais sacrifier, ce ne sera pas de trop. Mon carnet entier de tickets de métro. À moins que j'utilise leurs vêtements murales. Mais c'est du crépit, ça risque de faire mal. Pas de papier water. Pas de papier water. Pas de papier water. Pas de papier water. boy, you crack a box by the storm. such a long par deux fois sur RIG, d'abord en 1976 sur l'album 33 and One Third avec Crackbox Palace, et puis il y a un instant, extrait de l'album Extra Texture, Read All About It, un an auparavant, en 1975, World of Stone. J'aime beaucoup ces deux chansons de George Harrison. Je vous propose de retrouver un McCartney que j'avais voulu diffuser, mais que je n'ai pas eu le temps de diffuser lors du spécial Back to the Egg. Ça n'est pas Paul McCartney qui est en chanteur principal, même si on l'entend, c'est Danny Lane, et le titre du morceau sur cet album Back to the Egg, c'est Again and Again and Again. J'adore cette chanson. Montez le son. Now you don't wanna be the little woman. Now you don't wanna be the little woman. I love. No, no, no, no. I love. Now you don't wanna stay in my school. You don't wanna be the one that's cool. Again and again. J'aime cet album, c'est impressionnant, je l'écouterai, mais c'est un chef-d'œuvre oublié, c'est un chef-d'œuvre qui n'est même pas considéré comme un chef-d'œuvre par Paul McCartney, alors que pourtant, si, c'est un chef-d'œuvre. Et s'il te plaît, Paul, chante-nous en début de show, So Glad to See You Here, ce serait tellement, tellement, tellement génial. Voilà, vous êtes bien sûr RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four qui va déborder un petit peu, puisqu'Eric n'est pas là ce soir. On a encore pour une trentaine de minutes de chansons programmées. Eh bien, on va les passer. Restez avec nous, c'est la saga des Fab Four sur 90.7, également sur www.rigfm.fr. If you can't laugh, you know, what's the problem? Ringo Starr, Tripping on My Own Tears. Extrait de son album Ringorama sur RIG. We were once upon a time, then your love disappeared. You can't help crying when you love something so dear. There's a mile of heartache that I had to cross. Tripping on my tears. Retour à John Lennon en 1980. Watching the Wheels. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. People say I'm crazy. Strange. Surely you're not happy now, you're no longer.

showdown. But Daniel was hot. He drew fast and shot. And Rocky collapsed in the corner. And proceeded to lie on the table. He said, Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. And he left it, no doubt, to help with good Rocky's revival. Oh, yeah, yeah. Come on, Rocky boy. Prouver que nous ne sommes pas seuls. Actuellement, c'est sur Atom Radio en Italie et c'est mon pote Daniele qui est en train de passer son émission sur les Beatles. Merci Daniele, je sais pas comment on dit bonjour et salut, donc hello, goodbye. And so, two, three. Help me, Captain, help me. Since I was younger. c'était le dernier extrait de l'album de la semaine. L'album de la semaine étant Ringo-Rama, sorti en 2003. Et le titre de ce morceau, Elizabeth Rings, évidemment. Je vous propose de terminer l'émission avec du Paul McCartney. Everything a flutter. Ooh, another lonely night. I take forever. We only got each other to blame. It's all the same for me. No more lonely nights. No more lonely nights. You're No! son pour cet extrait de Back to the Egg, Old Siam Sir, sur RG. N'est-ce pas? Allez, je suis obligé de vous laisser parce que demain, il y en a qui travaillent. Donc, c'est la fin de la saga des Fab Four. Merci à tous et à toutes. Pas d'Eric ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci encore d'être là. Parlez-en autour de vous. La saga des Fab Four, ça continue. Et c'est sur RIG 90.7 et www.rigfm.fr. Salut, bye bye, à la prochaine. Yeah.